Alors, je voudrais maintenant donc rentrer plus dans le vif de ces pratiques instrumentales. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, là, comme ça sera très clair. Musique instrumentale égale musique riche, ça me paraît clair. Voilà, bon, c'est un résumé de tout ce que j'ai dit. Je vous fais écouter quelques enregistrements, pas beaucoup. Un premier enregistrement de Biniou et Bombarde. Vous connaissez le Biniou et la Bombarde, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas vous faire un descriptif de tout ça. Simplement, je voudrais vous faire entendre, je vais vous faire écouter un Biniou Bigoudin, juste la gamme, moi je dis l'échelle, mais ça serait peut-être plus simple de dire la gamme d'un Biniou Bigoudin au début du XXe siècle. Alors là, c'est Leroux. Leroux, donc de Boisselle Leroux. Voilà. Alors c'est juste les notes les unes après les autres. Écoutez bien, c'est parti. C'est tout. On a donc entendu pa la la la la la la. Enfin, un truc un peu bizarre quand même. Alors ça, c'est un son bigoudin. Je vais vous faire maintenant. Ah, ça pourrait l'être. Maintenant, un biniou. Alors, non, alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais comment dire? Là, je pourrais tenir 1 heure sur le biniou, sur le pourquoi de l'échelle bigoudaine, qui est une échelle moderniste, bizarrement. Voici maintenant un biniou cornouaillais de la même époque. Voici le biniou tel qu'on le voit en Cornouailles, en général, en 1900. Là, c'est moi qui joue, mais c'est un instrument d'époque, quoi. Écoutez l'échelle. Un peu bizarre quand même, hein. Ça sent le bizarre ça. Voici la bombarde qui pourrait aller avec ce biniou. Alors là, il s'agit d'un sonneur bigoudin enregistré en 1900. C'est Landy Guéguin de Pont-l'Abbé, enregistré en 1900 à l'Exposition universelle de Paris. Écoutez. Chose, on a entendu quelque chose de beaucoup moins perturbant, on va dire, que l'écoute de Biniou qu'on a faite. Là, on entend un sonneur professionnel né en 1848, sauf erreur, qui joue en fait son échelle de basse. Si jamais je parle en do, ce sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. De temps en temps, on entend, il fait do, ré, mi, bémol, fa, sol, la, si, do. C'est-à-dire qu'il a un son, on va dire, très polissé, enfin qui ne choque pas nos oreilles habituées à une musique polissée, donc en l'occurrence, alors que le biniou qu'on a entendu avant, il fait pas du tout do ré mi fa sol la si do. Do ré bémol mi bémol fa un peu aigu sol si bémol. Enfin, ça n'a rien à voir. Par contre, ces deux personnes-là sont censées jouer ensemble. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce que ça donne? Avant de dire comment ça se fait, on va écouter d'abord qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc deux instruments qui n'ont pas les mêmes échelles. Écouter un petit peu, pas trop longtemps quand même, on entend tous les cas que c'est pas si désagréable que ça, à mon sens. C'est-à-dire, vous avez une bombarde qui, elle, est parfaitement majeure, donc on va dire moderne, et à côté, on a un biniou qui est dans un autre monde musical. Qu'est-ce qu'il fait le biniou? Ben, il cherche, il évite la friction, il se promène dans tous les sens, il est très volubile, il fait des trilles partout, il fait des tap tap tap tap tap pour donner de la rythmique, il s'arrange, il noie le poisson en fait. Alors, il noie le poisson, pourtant, enfin, non, on va reparler après. Écoutez le noyer le poisson un peu. Thank you. j'arrête là. Il noie le poisson, mais en tous les cas, pour moi, il obtient un résultat qui est intéressant musicalement, quoi. Alors, ceci a pu choquer sans doute des gens, disons les gens à l'oreille bien élevée du début du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, mais ne choquait absolument pas, bien sûr, les consommateurs de cette musique, quoi. Alors, pourquoi, et là je vais très très vite, hein, je fonce. Pourquoi ça a pu choquer des gens? C'est parce que, après la guerre de 14, ce type de musique a été progressivement abandonné. En effet, il était symbolique d'une société qu'on voulait quitter. Une société archaïque, une société de misère, plus ou moins. Et l'accordéon lui a été préféré, puisque l'accordéon était un symbole de modernisme. En 1934, un groupe de jeunes émigrés bretons à Paris, en particulier deux personnes, Hervé Lemen et Doric Levoyer, se mettent en tête, décident de relancer un intérêt pour la musique bretonne. Ils se rendent compte que ces deux instruments qu'on vient d'entendre ne sont pas forcément satisfaisants. Alors, Doric Levoyer, dans une interview, a eu une phrase merveilleuse, ou en tous les cas, elle traduit bien l'état d'esprit de l'époque. Doric Levoyer donc a décidé de construire des instruments. Et, je le cite, il dit « Mon premier souci a été de rendre la bombarde juste. » C'est-à-dire d'en faire un instrument qui soit audible par les nouvelles oreilles médiatisées. Pour cela, il a fait un stage, je crois que c'est dans la maison Marigot, qui est une maison de fabrication de hautbois à Paris, et il a produit un nouvel instrument de musique, une nouvelle bombarde, qui permettait, disons, qui d'une part permettait à l'oreille habituée à l'accordéon de ne pas être dépaysée, de ne pas être dérangée par les modalités, et qui d'autre part permettait à des jeunes de se lancer plus facilement dans l'apprentissage de cet instrument. En effet, l'ancienne bombarde, qu'on a entendue tout à l'heure par un soliste là, en 1900, l'ancienne bombarde pouvait changer d'échelle à volonté. On l'a entendu, hein, Landy Gaguin faisait « pam, pam, pam, pam, pam, pam » selon ses phrases, il modulait ses sons. Il le faisait grâce à sa colonne d'air, disons grâce à ça, à sa technique de jeu. Le but de nos jeunes musiciens parisiens était de former de jeunes sonneurs pour relancer la musique bretonne. Si on leur confiait des bombardes du modèle ancien, jamais ils auraient pu avoir rapidement un résultat. En leur fabriquant ce nouveau type de bombarde, celles qu'on trouve encore maintenant d'ailleurs, en leur fabriquant ce nouveau type de bombarde, entre guillemets, rendu juste par Doric Levoyer, on se donnait les conditions de créer un mouvement de jeunesse qui puisse remettre au goût du jour la musique bretonne. C'est ce qui s'est produit, là je résume très brièvement. Donc 1934, naissance à Paris d'une association qui s'appelle la KAV, Kenvroriez Arvinoverian, c'est-à-dire la confrérie des Binyouistes, comme ils le disaient eux-mêmes. 1943, cette confrérie des sonneurs fait que de plus en plus de personnes, enfin il n'y en a pas des centaines encore, mais il y a au moins une vingtaine de personnes qui en 1943 pratiquent cette nouvelle bombarde et le nouveau biniou, dont on va parler immédiatement, le nouveau biniou qui s'appelle le biniou bras, qui est copié sur le modèle de la cornemuse écossaise. Donc 1943, c'est la naissance de la BAS, Bodaleggers on Aerion, donc qui est la fédération qui existe toujours maintenant, qui regroupe les joueurs, les sonneurs de Bretagne et qui regroupe les musiciens de Bagad. Alors, 34, la KAV à Paris, 43, création de la Bodaleggers on Aerion, et 1949, c'est la création officielle du mot Bagad, enfin, la création officielle de la formation musicale qui prend le nom de Bagad. Bagad, donc, c'est une batelée, c'est une poupe, mais à partir de 1949, c'est un orchestre de bombarde et de biniou-bras. Alors, je regarde ma montre, parce que j'ai pas envie de vous faire traîner trop, quand même. Voici pour l'exemple du Bagad. Je vous fais pas écouter de musique... non, parce que vous connaissez tous ça, quoi. La cornemuse écossaise, la bombarde, le Bagad, c'est pas la peine. Allons-y vite.